On leur sert à boire un nectar pur, cacheté. Laissant un arrière-goût de musc, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Il est mélangé à la boisson de Tasnim. Source dont les rapprochés boivent. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ Sur les divans, ils regardent. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient ؟